Aujourd'hui, je vais vous parler d'une artiste qui se nomme Vera Molnar. Vera Molnar est une artiste numérique abstraite, peintre d'origine hongroise qui vit à Paris. Vera Molnar se tourne vers l'abstraction géométrique en travaillant sur la forme, sur sa transformation, son déplacement et sa perception dès les années 50. L'artiste a étudié la peinture, l'histoire de l'art et l'esthétique à l'École des Beaux-Arts de Budapest. Elle obtient son diplôme de professeur d'histoire des arts et d'esthétique en 1947, la même année où elle décide de s'installer à Paris. Elle arrive en France avec son mari François Molnar. Dans les années 60, tous deux participent au GRAV, groupe de recherche en art visuel. Ils y travaillent notamment avec François Morellet et approfondissent leur recherche expérimentale. Très tôt, elle commence un travail sur la peinture abstraite et géométrique. Elle travaille avec le concept de machine imaginaire, c'est-à-dire comme si une machine effectuait son travail, sauf que les dessins sont réalisés à la main, sans machine. Cela consiste à l'écriture d'instructions simples et d'une série de transformations de formes selon des instructions très précises, tout en fixant des interdictions. Vera Molnar choisit des formes, des quadrilatères, des lettres, des formes élémentaires, des lignes, le choix des couleurs, plus de rouge, du bleu, un peu moins de jaune, presque pas de vert, surtout du noir et du blanc. Le choix des supports, papier, carton, bois, toile, le choix des textures, crayon, huile, vinyle, feutre, bande adhésive. Et le choix de la mise en place des formes, juxtaposées, accolées, tournées, retournées, inversées, alignées, superposées, additionnées, concentrées, éloignées. En 1968, elle crée le Molnar, un logiciel informatique. Ce dernier va lui permettre de générer des dessins et des variations à la manière de la machine imaginaire, mais de manière beaucoup plus rapide. Elle paramètre le logiciel avec des données comme forme, couleur, motif, et l'ordinateur se charge de générer une multitude de variations de ces données. Ce processus créatif remet en cause le statut de l'artiste traditionnel. Vera Molnar l'utilise pour ses œuvres. Elle insiste sur le fait que ce soit toujours dans sa tête que les idées germent et que ce n'est pas l'ordinateur qui prend le contrôle et réalise ses œuvres. Ce logiciel aide la peintre à gagner en efficacité et rapidité. Maintenant, je vais vous parler de l'une de ses œuvres. Cette œuvre s'intitule « Dialogue between Emotion and Method ». Celle-ci date de 1986. C'est l'une de ses œuvres les plus exposées. Elle présente un nombre important de lignes programmées pour effectuer des carrés. On retrouve plusieurs tas de carrés superposés les uns sur les autres de la même couleur. On peut observer 36 tas de carrés dont les couleurs sont différentes. Seules quelques couleurs sont représentées. Parmi ces couleurs, on retrouve le rouge, le violet, le bleu ciel, le jaune, le vert ainsi que le mauve. Tous ces tas sont alignés par colonnes et rangées de 6, qui forment une composition abstraite sur un fond noir. Cette composition prend forme d'un carré. La mise en page s'observe sur le premier plan, mais aussi dans la profondeur. La composition graphique a été réalisée sur ordinateur avec le logiciel de Vera Molnar. Elle tente à l'aide de cette œuvre de montrer l'infinité de résultats que peut donner l'art algorithmique. Voilà, j'ai terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin.